J'suis tellement vrai que j'ai l'air faux. J'peux jamais oublier l'époque même en bando. J'suis tellement vrai, mais j'te donne chaud. Maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font des roulés pour les couler sous mon flot. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sous sont avec moi, j'emmerde les autres. Je peux pas poser sur du trap Renoir. Il est pas à ta grand-mère le bendo Tietro Romain. Je les ai mis à l'amende. Ça tweet, ça tweet. Comme une épine dans ta langue. Ça pique, ça pique. J'suis l'élu, jamais déçu. Mon public est ravé. Enterré sont tes couplets. On se retrouve au pavé. Navet après navet. C'est sûr tu es mauvais. Tu fais quoi, t'es quitté ou y'a que ton ingé qui te connaît. J'suis béni, béni, papa m'a dit tu seras calache. J'ai des ennemis, ennemis, autour de moi ça sent la rage. Mille et une raisons de les terrasser. J'écris ce qui t'a effacé. J'suis tellement vrai que j'ai l'air faux. J'peux jamais oublier l'époque de mon bando. J'suis tellement vrai, mais j'te donne chaud. Maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font des roulés pour les couler sous mon flot. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sous sont avec moi, j'emmerde les autres. J'm'estime comme mes swings. Pour mes négros j'ai de l'estime. Dans mes textes la vérité j'respire. J'fais pas exprès quand j'expire. Je les inspire que des vrais reconnaissent-ils. Général gros sur le textile. J'pars en balade, oui j'm'exile. Fais gaffe à l'équipe, on est ses types, on est ses types. Certifié par ceux qui ne sont pas sur la réseau. J'suis frais, j'suis vrai, faut te méfier. J'pourrais te faire perdre les os. Tu m'attends au tournant. Tu vas glisser dedans. Assure bien tes arrières, j'prends les devants. J'suis tellement vrai que j'ai l'air faux. J'ai jamais oublié l'époque de mon bando. J'suis tellement frais, mais j'te donne chaud. Maman m'a dit laisse les parler, c'est que des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. Ils font des roulés pour les couler sous mon flot. C'est que des mots, c'est que des mots. Mes négros sur sont avec moi, j'emmerde les autres. Que de la loyauté. Sans reconnaître vrai en hiver en été. Fier de ce qu'on a été. Des défaites toutes péteux. Fier de ce qu'on a été. Des victoires bien fêtées. Des victoires bien fêtées. Mal orienté. Devenu grand dans cette société.